l'Église orthodoxe aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Nous allons vous présenter aujourd'hui un pays consacré à la sainteté, situé au-delà de l'espace terrestre et du temps quotidien. Cette patrie merveilleuse est un jardin ravissant, entouré par des eaux bleues et limpides. Ici, l'année commence au mois de septembre, et la frontière entre deux jours est le moment du coucher du soleil, en conformité avec une ancienne tradition liturgique. Alors que depuis plus d'un millénaire, aucun enfant n'est pas né dans ce pays, sa population est pourtant en croissance. Il ne s'y trouve des villes ni des villages, mais des monastères et des skites. Chaque nuit, plus de 1800 habitants dorment seulement 3 ou 4 heures, puis se rassemblent dans les églises en élevant jusqu'à l'aube des hymnes de gloire à Dieu. Tous les habitants sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu et leur principale préoccupation est la prière. Ils ont remplacé la succession des secondes par la succession entre leurs doigts des perles du chapelet qui rythme la prière hésicaste. Ces hommes venus du monde entier pour monter sur le chemin de l'ascèse vers la perfection spirituelle glorifient Dieu dans plusieurs langues liturgiques de l'Église orthodoxe, le grec, le slavon et le roumain. Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Malgré son aspect inhabituel, il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un pays imaginaire. Cette patrie de l'orthodoxie existe véritablement sur une montagne qui se lève entre la mer Égée et l'Europe, protégeant notre vieux continent. Ce pays du monachisme orthodoxe s'appelle le mont Athos. En vérité, lorsque je suis arrivé là, j'ai eu l'impression de me trouver dans un conte. Pèlerin dans les régions antonites, j'ai découvert à la sainte montagne une entrée vers le paradis, une contrée suspendue entre la mer et le ciel, où l'écoulement du temps s'est arrêté dans l'éternité du présent liturgique. Pour les moines, la sainte montagne est la patrie idéale, protégée par les eaux de la mer, dont la limpidité incite à la purification de l'âme par l'ascèse. Elle est veillée par le sommet de l'Athos, haut de 2033 mètres, où s'élève l'église de la Transfiguration qui exhorte à la transfiguration de la vie en Christ. Située sur une péninsule dans la mer Égée, actuellement le mont Athos est une république monastique avec un régime administratif autonome dans le cadre de la Grèce. Il se conduit d'après un règlement monastique élaboré par la communauté des igoumènes des 20 monastères athonites, qui est reconnu par le patriarcat œcuménique et par le gouvernement d'Athènes. Dans ce jardin de la Mère de Dieu fleurit toujours la sainteté par la vie ascétique des moines qui vivent dans les 20 monastères, les 12 skites et les nombreux ermitages athonites. Ils sont venus à la Sainte Montagne attirés par le silence céleste de cet endroit, par les icônes miraculeuses et les saints reliques, plus nombreuses là que nulle part ailleurs. Parmi les moines venant de pays orthodoxes, grecs, roumains, russes, serbes et bulgares, au mont Athos se trouvent aussi des Français, des Allemands et des Américains convertis à l'orthodoxie. Je vous propose de faire un arrêt à Simonos Petra, le plus impressionnant des monastères athonites, par son emplacement unique sur le sommet d'un rocher géant, au-dessus d'un abîme surplombant la mer. Lorsque je regardais Simonos Petra, j'ai eu l'impression que le rocher même, dans son élévation vers le ciel, se transfigure en devenant monastère, se prolonge par les hauts murs de cette cité de prière. L'intense vie spirituelle des moines semble être inspirée par l'aspect du monastère, véritable incarnation de l'idéal monastique. En participant avec beaucoup de ferveur à chaque office, ils sont devenus les meilleurs chantres de musique byzantine du mont Athos. D'ailleurs, ils interprètent les chants que vous allez entendre durant cette émission. À Tonit Simonos Petra. Parmi les membres de la communauté monastique de Simonos Petra, j'ai rencontré le père hiéromoine français Macaire. Je lui ai demandé d'abord de nous parler de l'histoire de ce monastère. Le monastère de Simonos Petra, qui se trouve sur cette côte du mont Athos, comme le monastère de Dionysio, de Grigorio, donc toute une série de monastères qui ont été fondés au XIVe siècle, et donc à la différence des autres monastères qui ont été fondés par les empereurs byzantins. Et il a été fondé sous une plus petite échelle, au XIVe siècle, par le prince serbe Jean Ugleš, qui avait sa capitale à la ville de Serres. Mais le saint fondateur du monastère a vécu un siècle auparavant, à la fin du XIIIe siècle, d'après la tradition du monastère, vers les années 1272. Et donc saint Simon était un ermite qui vivait dans une grotte qui se trouve encore à l'extérieur du monastère. Et un jour qu'il priait dans sa grotte, un jour de Noël, et il a vu au-dessus du rocher l'astre de Bethléem, et à plusieurs reprises. Et ensuite, il a entendu la voix de la Sainte Mère de Dieu qui lui disait qu'il était temps maintenant pour lui de sortir, d'abandonner la vie érémitique pour rassembler les disciples et fonder sur le rocher un monastère qui s'appellerait la Nouvelle Bethléem. Et donc c'est pour cela que l'astre lui est apparu. Et donc le véritable nom du monastère de Simonos Petra est la Nouvelle Bethléem, Nea Bethléem. Ensuite, il s'est appelé Simonos Petra, le rocher de Simon. Pendant la vie de Saint Simon, grâce au miracle de Saint Simon, les moines ont pu construire un monastère sur le rocher. Mais c'est un siècle plus tard, grâce à un miracle qu'avait fait Saint Simon pour la fille du prince serbe, que Jean Ugleš a construit l'église. Et le monastère sur une plus grande échelle. Et encore, les fondations du monastère sont encore de l'époque du XIVe siècle. Oh. 16e siècle, le monastère a été détruit par un incendie, et à cette époque-là, c'est le prince roumain, le voïvode roumain Michel le Brave, qui a aidé d'autres monastères du Mont Athos, mais qui a reconstruit le monastère de Simonos Petra, qui a reconstruit l'église, et qui a fait don au monastère d'un metochion, d'une dépendance, à Bucarest, l'église dite à Saint-Nicolas, et un monastère autour de l'église et aussi des propriétés. Et c'est grâce à ces propriétés données par Michel le Brave et d'autres chrétiens roumains que le monastère a pu survivre pendant les 4 siècles d'occupation turque. Comme la plupart des monastères du Mont Athos, pendant l'occupation turque jusqu'au 19e siècle, les monastères pouvaient vivre librement, mais à condition de payer des taxes importantes. Et c'est les exigences du gouvernement ottoman étaient toujours plus grandes, et pour pouvoir survivre, les moines étaient obligés d'avoir l'aide d'autres chrétiens d'autres pays que la Grèce, puisque les Grecs étaient très pauvres à cette époque. Et c'est grâce aux princes et aux nobles de Valachie, de Moldavie, qu'ils ont pu, pendant ces 4 siècles, survivre. Combien de moines sont aujourd'hui ici ? 68 moines avec les novices. Le monastère de Simonos Petra, donc, comme il est reconstruit sur le rocher, il ne tient pas beaucoup plus de moines. Le plus grand nombre, c'était à la fin du siècle dernier, environ 80 moines, il y avait, mais avec dans les dépendances aussi. Mais maintenant, la tendance des moines, c'est plutôt de vivre dans le monastère, plutôt que de vivre dans les ermitages. Et on avait un ermitage en bas du monastère, où il y avait toujours, pendant longtemps, des Roumains, des ascètes roumains, qui avaient une très bonne réputation. L'ermitage de Saint-Jean de Théologie. Les conditions naturelles de ce monastère permettent une isolation plus grande et une vie plus ascétique. La condition géographique du monastère perché sur le rocher non seulement permet une vie plus retirée, mais surtout une signification symbolique. Il y a un livre déjà ancien qui parle de la Sainte Montagne qui dit « Metaxi oranou kegis » entre le ciel et la terre. Et donc la vie monastique, c'est une vie qui est justement entre le ciel et la terre, qui est déjà une anticipation, une préparation à la vie céleste, à la vie des anges et des élus dans le royaume des cieux, mais avec des hommes qui sont des hommes de chair et de sang. La situation du monastère sur le rocher est symbolique de la vie monastique qui est déjà un transfert dans le ciel et une préparation dans ce monde à la vivre dans l'autre monde. L'organisation de la vie du monastère à Simonos Petra n'est pas fondamentalement différente des autres monastères, puisque à peu près tous les monastères cénobitiques, les 20 grands monastères cénobitiques, vivent selon le même programme de vie cénobite, de la tradition générale, du typikon atonite, donc le typikon de Saint Saba. Mais chaque monastère a son caractère particulier en fonction de la personnalité de l'égoumène ou de l'histoire de la communauté. Donc comme notre communauté ici à Simonos Petra, avait son origine aux météores. Et des météores, la communauté est venue en 1973, Simonos Petra. C'était une des premières communautés à reconstituer la vie cénobitique au Mont Athos, qui était en déclin à cette époque-là. Peut-être parce que le paysage ici rappelle celui de Météora. Oui, oui, exactement. Exactement, parce qu'à cette époque, tous les monastères avaient besoin de nouveaux moines. Et donc nos moines, ayant décidé de quitter les météores à cause du tourisme, et ont décidé de venir au Mont Athos. Ils pouvaient venir dans n'importe quel monastère du Mont Athos, partout où il y avait besoin. Et ils ont choisi le Simonos Petra à cause de la situation sur le rocher. Et puis c'est un monastère un petit peu difficile d'accès, donc où il n'y avait pas le risque de tourisme. Donc ils ont préféré Simonos Petra. Et venant au Mont Athos, ils ont bien sûr adopté le typicon et les habitudes de la Sainte Montagne, mais avec le caractère propre qu'avait déjà pris la communauté au Météore. De quel monastère de Météore ? Du grand monastère de la Transfiguration des Météores, du grand monastère. Cette personnalité de la communauté était due en particulier à la personnalité, à la sensibilité spirituelle propre de notre igoumène, l'archimandrite Emilianos, qui, disons, avait comme inspiration, et c'est une inspiration qui s'est trouvée parallèle et convergente à différents pères spirituels à notre époque sur la Sainte Montagne, de réaliser, dans le cadre de la vie cénobitique, une sorte de synthèse entre la tradition hésychaste, la tradition de la prière du cœur, et la tradition cénobitique. Donc d'offrir la possibilité aux hommes qui viennent aujourd'hui dans les monastères, de vivre en profondeur la tradition de la prière hésychaste, mais dans le cadre de la vie communautaire, avec tous les avantages et le support que donne la vie communautaire. Et donc on assiste à ces quelques 20 dernières années, sur la Sainte Montagne, non seulement à un renouveau de la vie monastique, au point de vue quantité, de nouveaux moines qui viennent, mais surtout à une étape nouvelle dans l'histoire du monachisme, et surtout sur la Sainte Montagne, une synthèse de deux courants qui ont toujours été parallèles, complémentaires, mais qui peut aujourd'hui être vécu dans la même communauté. Donc c'est peut-être l'aspect le plus caractéristique de notre époque sur la Sainte Montagne. Tourisme est un vrai danger pour le monachisme. Le tourisme mondain est véritablement le plus grand ennemi du monachisme et de toute vie spirituelle. Donc il détruit toute possibilité de vie spirituelle et on voit qu'il y a une sorte de présence, une influence démoniaque dans le tourisme mondial maintenant, ou qui précisément s'attaque aux lieux saints. Cette forme de tourisme est véritablement opposée à toute forme de vie monastique. Et donc c'est cette forme de tourisme que nos moines ont voulu fuir des météores. Mais ce que l'on voit sur la Sainte Montagne, un grand nombre de visiteurs qui viennent, ils n'ont pas un caractère touristique quand même, la plupart d'entre eux ont véritablement une décision de pèlerin, de pèlerinage. Les conditions du fait que seulement les hommes sont acceptés au Mont Athos, avec certaines limitations de jours et à certaines difficultés administratives, fait qu'il faut une démarche, une motivation pour venir. C'est pas très facile de venir au Mont Athos. Et donc, ça donne un caractère encore religieux et spirituel à la démarche. C'est là où est la difficulté, où est la principale difficulté des moines du Mont Athos aujourd'hui, c'est que la grande majorité des visiteurs sont véritablement des pèlerins. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux et les monastères ne sont pas organisés pour cela. Et donc, ça amène beaucoup de difficultés matérielles et un danger pour les moines d'être débordés par la demande de ces pèlerins. Ce n'est pas vraiment le danger touristique, mais le danger peut-être plus grand encore, d'une sorte de tourisme religieux authentique, hein, une véritable démarche religieuse, mais où les moines risquent de perdre leur identité. C'est une tradition très forte au Mantos. Il est exclu de faire payer quoi que ce soit. Et donc, évidemment, autrefois, il y avait très peu de visiteurs. Donc maintenant, je crois que pour la plupart des monastères, l'essentiel des ressources du monastère sont dépensées pour l'hospitalité. Mais ça, c'est dans la providence de Dieu. Et on considère que c'est une des fonctions, une des responsabilités des monastères dans l'Église. Et une diaconie des monastères. Effectivement, cet accueil très large qu'offrent les monastères a créé un renouveau spirituel dans l'Église de Grèce. Et on voit beaucoup de familles ou de paroisses qui se renouvellent après la visite de certains membres de leur famille ou de leur paroisse sur la Sainte Montagne. Mais c'est là où est précisément la difficulté pour les moines, c'est que véritablement c'est positif, les résultats sont positifs et sont bénis par Dieu, mais il faut savoir véritablement ce que cherche le moine quand il vient au monastère. Est-ce qu'il cherche à donner profit à l'Église ou à le salut de son âme? Et donc il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit opposé. En 1978, la communauté du monastère Simonos Petra du Mont Athos comptait dans son sein trois moines d'origine française, les pères Placide, Séraphin et Élie. L'igoumène ou l'abbé du monastère était l'archimandrite Emilianos, un important père spirituel atonite. Le père igoumène Emilianos envoyait les trois moines français en France pour fonder des métochias, des dépendances du monastère Simonos Petra. C'est ainsi que naquirent deux métochias français, le monastère de la Transfiguration, situé en Dordogne, dont l'igoumène est le père Élie, et le monastère Saint-Antoine-le-Grand, en Dauphiné, dans le Vercors, dont l'igoumène est le père Placide d'Ezeille, qui a fondé ensuite aussi un monastère de Monial, la protection de la Mère de Dieu, à Solans, en Provence. Les moines orthodoxes français du monastère Saint-Antoine-le-Grand, aidés par leurs frères grecs du monastère Simonos Petra, ont été les premiers à commencer un travail systématique d'adaptation et d'interprétation du chant liturgique byzantin en français. Vous les entendez chaque dimanche durant le générique de notre émission. Ils vont interpréter en français l'hymne liturgique suivant, soit le même hymne que vous venez d'entendre en grec. Gloire.